ciel de son âme, la noble fierté, s'indigne s'enflamme dans sa loyauté. À l'injuste outrage qui flétrit son roi, à l'injuste outrage qui flétrit son roi, rougit mon visage. Yeah.